flingue tellement, tellement dément. La vie vacille, clic clic boum. La nuit dort dans tes cils, l'homme est un animal armé. Je croque le fruit pourri, j'ai les bras ouverts. Quelques dragées de plomb, de souris, plus de soucis. Des prix dans ma toile, dans ma tisserie. Ma chérie fait les courses pendant que je braque une épicerie. Ici tout le monde est armé, même le pétant. J'ai quelques usines, usines double canon et un peu de plomb. Chiffre le son des détonations, je flingue pour un peu de fond, un peu d'héros, un peu d'action. Braquer un peu le fond avec des guns. Tu gangs t'as des lits, tu vois l'alcool des lits, tu vois si t'es libre, allez sont ta lit, ma raison t'habite. Pourquoi les clics chic cheese comme le creux des pics, sur des X, sur des beats, sur des kicks, des hits, ça flingue des hits. Les flics et des riches, tu veux des six, de la rue que j'ai ri. Tu gangs t'as des lits, tu vois l'alcool des lits, tu vois si j'te baisse si t'es libre, j'te baisse si t'es libre, Bandana sur la bouche, dans la poche des cartouches. Devant moi y'a des manouches comme des poches, peu farouche. Alors j't'ai fourraillé, j'fais les poches, j'fouille jusqu'au cou, j'prends la maille, quelques roches pendant que tu te couches. J'rache du hard, le sang vient ta marre, ouais je parle le langage des armes. Là c'est que c'est nous, on se protège par les coups. Numéro de série d'armes limées planquées dans les égouts. Avec des guns, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Avec la grosse en main, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. J't'envoie quelques pas, pas pas pas sauce. Tu gangs t'as des lits, tu vois l'alcool des lits, tu vois si t'es libre, allez sont ta lit, ma raison t'habite. Pourquoi les clics chic cheese comme le creux des pics, sur des X, sur des beats, sur des kicks, des hits, ça flingue des hits. Les flics et des riches, tu veux des six, de la rue que j'ai ri. Tu gangs t'as des lits, tu vois l'alcool des lits, tu vois si j'te baisse si t'es libre, j'te baisse si t'es libre, j'te vise pour une dose, où t'envis ton chose. Gros salope, j'investis dans deux ou trois maisons closes sans pause. Je shoot tes tentes au cap d'un et j'te cause. Mon fusil à pompe caché dans le bouquet de roses. Atroce névrose, dragée de plomb puis nécrose. De balle overdose, une virus touché, la peau c'est rose. De la bonbon, j'appuie sur le bouton. Belle danse qui sert le décor sans vie qui rebond. 10 sur le goudron. Avec des guns, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Avec la grosse en main. Tu gangs t'as des lits, tu vois l'alcool des lits, tu vois si t'es libre, allez sont ta lit, ma raison t'habite. Pourquoi les clics chic cheese comme le creux des pics, sur des X, sur des beats, sur des kicks, des hits, ça flingue des hits. Les flics et des riches, tu veux des six, de la rue que j'ai ri. Tu gangs t'as des lits, tu vois l'alcool des lits, tu vois si t'es libre, j'te baisse si t'es libre, j'te baisse si t'es libre.